Il y a beaucoup de fous dans les mémoires, mais les plus nombreux ne sont fous que par manière de parler, par métaphore. Des fous d'ambition, des fous d'amour, beaucoup de gens qui rient comme des fous aussi. D'autres le sont vraiment, au point de prendre des chaises et un paravent pour des ennemis, de se défenestrer ou de s'attaquer aux passants. La curiosité de Saint-Simon pour tous les états que peut vivre l'individu, ses singularités si connues, le pousse à mentionner les fous, mais sans pour autant vraiment enquêter sur eux. Tout au début des mémoires, il y a un petit passage où il hésite avec des camarades officiers à aller voir une possédée. Et puis, apprenant que cette femme n'est pas vraiment possédée, mais qu'elle n'était qu'une espèce de folle, il renonce. Donc, intéressé par le démon, mais moins intéressé par la vraie folie, devant laquelle il semble qu'il faille avoir pitié, surtout. Parallèlement, dans la société, la folie entraîne la relégation, et on le voit dans les mémoires, dans la trace qu'en garde les mémoires, elle conduit au silence. On peut penser par exemple à l'achâtre, qui était pris de temps à autre de ce que Saint-Simon appelle des accès fâcheux, où il attaquait des meubles ou des comédiens. Son cas est caractéristique du double silence qui entoure les fous. D'une part parce que sa folie s'exprime de manière presque uniquement physique, surtout par des gestes, par des ordres de combat, par des cris. Et d'autre part, et que les mémoires ne retranscrivent pas ses discours. Et puis d'autre part, il finit par se retirer, enfin par être retiré, ne plus voir que sa famille, ne plus sortir. Ainsi, il est difficile d'avoir une idée précise de ce que disent les vrais fous. Cependant, certains demeurent en liberté, plus ou moins diagnostiqués, et le langage est alors le lieu où se découvrent les errances intérieures de ces excentriques. Loin de faciliter le commerce ou l'harmonie, loin encore d'être politique ou rusé, il arrive que la parole rende l'échange impossible et soit le signe d'un manque absolu de maîtrise de la part de celui qui parle. Certains exemples sont drôles, avec une folie douce, signalée par un langage incompréhensible qui ne fait que frapper l'individu au coin de la singularité. D'autres, plus inquiétants, montrent des êtres dominés par une idée fixe et dont le discours semble tendre un voile entre eux et la réalité. Certains fous furieux ou des folles furieuses se trouvent même tellement débordés par leurs propres paroles qu'ils en deviennent effrayants. L'espace de la parole est changé, du commerce réglé, et alors envahi par des pulsions intérieures, et le langage exprime ce qui ne devrait se penser ni surtout se dire. On le voit, cette étude ne s'en tiendra pas aux fous relevant de la psychiatrie à venir, mais englobera des individus dont le comportement est perçu comme extravagant, sans être pour autant uniquement drôle ou spectaculaire, hein, des individus qui, loin de la maîtriser, subissent leur bizarrerie. Les souvenirs de Saint-Simon rencontrent dans les mémoires différentes sortes d'égarements. Le langage peut rester inachevé, inabouti, voire presque animal. Il peut aussi, à l'opposé, être excessif, se charger d'allusions venues du tréfonds des êtres et faire advenir aux oreilles une passion pure, presque dégagée de pensées formalisées. Il peut enfin, de manière non exclusive de ces deux modalités d'égarement, être le symptôme d'un autre monde, faire entrevoir que certains individus portent avec eux une représentation du monde irréconciliable, à des degrés divers, avec celle que partage la majorité de leurs contemporains, représentation du monde qui les aliène. Je commencerai par le langage inachevé. La folie au sens strict se manifeste autant et davantage dans les mémoires quand il s'agit des fous cliniques, par des gestes, que par des paroles, et même un de ces symptômes est le remplacement du langage verbal par un mode de communication physique. Le langage se trouve en quelque sorte empêché. Le cas de Madame d'Allègre, qui relève d'une folie douce et assez plaisante malgré la gravité potentielle du sujet, permet d'observer presque expérimentalement l'empêchement du langage. Vous vous souviendrez peut-être de cette femme qui, pendant la régence, demande à Saint-Simon une entrevue secrète. Elle lui annonce qu'elle va lui révéler un secret, une conspiration. Elle a beaucoup de choses à lui dire. Et puis, déception, elle ne lui dit absolument rien. Elle ne révèle rien du secret qu'elle est venue communiquer. Le mémorialiste raconte de manière savoureuse la première des rencontres d'un troisième type, pourrait-on dire, qu'il eut avec Madame d'Allègre. Il y a d'abord des compliments sans fin, une préface, des louanges. Donc, une conversation traditionnelle, ça devrait mener à une substance du discours. Enfin, elle se mit sur le ton des oracles, serrant la bouche, tournant les yeux, accommodant sa coiffe, frottant son manchon, tantôt me regardant à me pénétrer, puis baissant les yeux et jouant de l'éventail, disant deux mots coupés et laissant le sens suspendu, tombant dans un morne silence. Et voilà tout ce qu'elle dit. Les mimiques, qui sont rendues vraiment comiques ici par le mémorialiste, font attendre une confidence qui ne vient pas. On a un très fort contraste entre la promesse exagérée des jeux de regard, de coiffe, de manchon, et le néant réel de ce qui est communiqué. Ce qui suscite le rire chez le lecteur, mais aussi la frustration chez Saint-Simon, d'autant plus que les visites seront fréquentes, puisque le régent lui demande de creuser de cette piste et de rester en contact avec elle. Il avait raison, elle était effectivement au courant de la conspiration de Célamard. Après l'éclat des États de Bretagne, elle revint, me dit qu'elle était bien informée d'avance de ce qui venait d'arriver, et encore par quel ressort. Et me prenant les mains et les appuyant sur mes genoux avec des roulis d'yeux. Tout cela, monsieur, assurez-vous-en bien et ne le laissez pas ignorer au régent. N'est que le chausse-pied, le début donc. Vous en verrez bien d'autres. Mais, hé, car, et d'autres mots coupés, comme une femme qui sait et qui se retient. Et tout de suite se lève pour s'en aller. J'eus beau faire, je n'en pus rien tirer de plus. Alors, si j'ai bien suivi, on a vraiment un cas d'aphémie ici. Le passage est très intéressant à cause du discours direct. Il y a une généralité indistincte des propos, des pronoms qui ne renvoient à rien de précis. Et on a donc des interruptions, des interjections. Et les fameux mots coupés qui étaient présents, qui étaient décrits dans la première entrevue sont ici rapportés avec des points de suspension. L'image est celle d'un savoir retenu, presque accessible à l'interlocuteur, mais qui ne franchit la barrière des lèvres que par fragments, dénués de sens. Saint-Simon en est la victime, qui se trouve à son tour égarée dans ses phrases inachevées. Alors, sans être pathologiquement folle, convenant que Madame d'Allègre ne semble pas non plus tout à fait saine d'esprit. Plus loin encore de la source du langage rationnel permettant l'échange, certaines manifestations de folie font toucher à l'altérité de l'animal, voire au silence total. Je pense à Monsieur le Prince, le fils du héros, qui est à un moment de sa vie un authentique fou. Un épisode le montre passant devant le lit de la maréchale de Noailles, qu'on est en train de refaire, et régressant d'une certaine façon vers la satisfaction immédiate de désir physique, le duc de Condé, je cite, « prit sa course, sauta dessus, se roula dessus 7 ou 8 tours en tous les sens, puis descendit et fit excuse à la maréchale et lui dit que son lit était si propre et si bien fait qu'il n'y avait pas moyen de s'en empêcher. » Le commentaire « il n'y avait pas moyen de s'en empêcher » semble disqualifier toutes les règles de bienséance et plus généralement de comportement social. La transgression est aussi verbale, puisqu'avant de se précipiter, le prince s'est écrié « Ah, le bon lit, le bon lit !» Cette fois-ci en discours direct. Le langage colle à la sensation, il y reste. Et on verra d'autant plus, dans ces roulades répétées, une animalisation, que le prince de Condé est celui qui se prenait parfois pour un chien. On disait tout bas qu'il y avait des temps où il se croyait chien, tantôt quelque autre bête, dont alors il imitait les façons. Et j'ai vu des gens très dignes de foi qui m'ont assuré l'avoir vu au coucher du roi pendant le prier Dieu, et lui, cependant, près du fauteuil, jeter la tête en l'air subitement plusieurs fois de suite et ouvrir la bouche toute grande comme un chien qui aboie, mais sans faire de bruit. L'aboiement silencieux semble le sommet de la négation du langage. Une parole essayée, mais doublement impossible, à la fois parce qu'elle reste silence et parce que si elle advenait, elle serait un cri animal. Une grimace d'autant plus inquiétante dans sa contradiction humaine et puis sociale qu'elle survient au plus près du roi et pendant la prière. À l'opposé de ce langage qui reste donc embryonnaire, bien des personnages sont dépassés par leurs propres paroles. Et on va retrouver ici des choses qui ont déjà été dites. Ces désordres vont d'un usage obsessionnel du langage à des sortes de crises où est formulé de façon plus ou moins rationnelle ce qui n'aurait jamais dû être dit, et ce, en dépit de la volonté du personnage. Je commencerai par certains maniaques qui profèrent des paroles sensées, complètes, compréhensibles, mais tellement répétées et avec une telle violence qu'elles les rejettent du côté de l'anomalie sociale et relationnelle. Talard, par exemple, qui vit une sorte de crise de folie, la manchette parle de rage, due au dépit de n'entrer pas au conseil de régence. Talard fut aussi le seul qui ne fut point employé de tous ceux que le roi avait nommés dans son testament. Ce n'est point trop dire qu'il pensa en devenir fou et qu'il fit plusieurs extravagances. Il alla, disant partout qu'il se ferait écrire le testament du roi sur le dos. Il cria, claboda, lâcha au régent le maréchal de Villeroy et les Rohan, plainte, clameur, dépit, bassesse, prostitution, tout fut mis inutilement en usage. On a donc cette accumulation des verbes au passé simple, l'énumération des noms communs qui mime la plainte incessante de Talar. On voit osciller le personnage entre un caractère typique d'ambitieux qui flatte, qui utilise ses circuits d'influence, et puis la figure plus inquiétante du fou, celui qui crie, qui passe par les clameurs. Hein. Je rappelle que le verbe claboder désigne au sens propre l'aboiement, même s'il est employé ici métaphoriquement. Et des paroles qui se réduisent à l'expression d'un sentiment de désespoir, de la plainte, du dépit. Cette image culmine dans la presque coïncidence avec un aliéné digne de l'hospice, hein, celui qui serait capable de se faire écrire sur le dos le testament de Louis XIV et de devenir une sorte de chose, une page, une pure expression de désespoir. Un cas parallèle et un cas d'école est fourni par Pontchartrain fils, le borgne, le cyclope hein, que Saint-Simon détestait. Alors Pontchartrain a décidé de quitter la cour à la mort de sa femme. Saint-Simon et le père de la tour décident de le dissuader parce que ce projet serait très préjudiciable à sa famille. Et Saint-Simon et le père de la tour vont auprès de lui pour essayer de le raisonner. Au début, le personnage Pontchartrain apparaît comme dominé par le sentiment de la perte qu'il a subie et par l'idée obsessionnelle de la retraite. Son attitude s'aggrave cependant. Après des emportements et de l'irritation, il devient tout à fait inquiétant. Les déclamations, les désespoirs, les égarements, les raisonnements sans raison et sans fin de Pontchartrain, ses fureurs, ses menaces, et parmi tout cela ses emportements contre son père, nous mettaient sans cesse aussi à bout d'expédients, de patience et de compassion. Pontchartrain va jusqu'aux vapeurs, aux hurlements, aux transports. Le langage est désorganisé, d'autant plus qu'en face, on a les paroles sensées et structurées de Saint-Simon, du père de la tour et des parents. Or, ces interlocuteurs censés finissent par détecter chez Pontchartrain une feinte. Il imite une tristesse qui rendrait fou. Il joue la folie en adoptant un langage violent, obsessionnel, en partie dénué de rationalité, hein, à la fois parce qu'il manque de logique, vous avez entendu, raisonnement sans raison, et parce qu'il est de l'ordre de la pure passion, un langage fait de hurlements et presque fait de mouvements, comme l'indiquent les mots équivoques de transport et emportement, qu'on a déjà beaucoup entendu, qu'on entendra à nouveau, je pense, et qui désigne ce moment où le langage est presque mouvement. Les symptômes sont bien ceux d'une douleur qui rend fou, et les proches mettent longtemps à voir clair dans son jeu. Mais que Pontchartrain feigne ne le rend pas moins intéressant pour nous, puisqu'il est cru pendant longtemps. La violence du langage des maniaques est double. Socialement, elle les isole, dans un discours unique, répétitif, obsessionnel. Verbalement, elle est agressive pour autrui. On la retrouve chez ce fou, alors un vrai fou cette fois, à la fois atypique et modèle, qu'est Maulévrier. Une des premières choses que nous apprend Saint-Simon sur ce personnage est qu'il a une ambition démesurée et rien qui pût la retenir, laquelle allait jusqu'à la folie. Damien Crelier diagnostique en lui une mélancolie politique, ou plus exactement curiale. Cette ambition emprunte le chemin de l'amour pour la duchesse de Bourgogne. Il désire être aimé de la duchesse de Bourgogne pour satisfaire son ambition, pour avoir de l'influence du pouvoir. Bon, je passe sur cette évolution qui est lente, avec plusieurs épisodes dans les mémoires. La folie est au début imprudence, extravagance, manque de jugement, mais assez rapidement, il n'arrive plus à contrôler ses passions. La jalousie et la rage le transportèrent, une fois de plus, au point de lui faire hasarder une extrémité de folie. Il accompagne la duchesse de Bourgogne en lui écrabouillant les doigts, en lui parlant à voix basse de façon très violente. Alors il part en Espagne, et là, il semble tout à fait, au contraire, rationnel, il s'exprime bien, c'est un courtisan délié, on parle de ses lumières. Il revient en France, et c'est le troisième acte, que Saint-Simon appelle d'un terme qu'on identifie facilement quand on le fréquente un petit peu, la catastrophe, hein, donc sa fin tragique. Et la manchette commence à nouveau par le mot de folie. Maulévrier ne revient pas en amoureux, il revient toujours en ambitieux. Et peu à peu, nous dit Saint-Simon, il perd terre. Il revoit la duchesse de Bourgogne en particulier, et sa femme à lui alors tente avec succès de le rendre jaloux. J'en parle parce que dans l'analyse qu'en fait Saint-Simon, c'est un point où le personnage bascule ou rebascule. Tant de vifs mouvements de cœur et d'esprit le transportèrent. Comme plus haut avec Pontchartrain, la métaphore lexicalisée exprime bien encore l'idée que le personnage est ailleurs, décalé de son vrai ou de son ancien moi. Un jour qu'il était chez lui et qu'il y avait apparemment quelque chose à raccommoder entre lui et la duchesse de Bourgogne, la duchesse de Coeuvre, la dame du palais de la duchesse de Bourgogne, le vint voir. Il lui ferma la porte de sa chambre, Sadigis le ferma, mais je suppose au nez. Il lui ferma la porte de sa chambre, la barricada au dedans, la porte, hein, c'est la porte qu'il barricade, et à travers la porte, la querella jusqu'à lui chanter pouille une grosse heure entière qu'elle eut la patience d'y demeurer sans avoir pu parvenir à le voir. Le rôle social du langage a disparu ou s'est affaibli à l'extrême. Dans cette scène, les seules paroles que nous pouvons imaginer sont des injures, des mots de colère, de regret, de dépit. Bref, des émotions intenses qui coupent si bien la communication que Maulevrier a fermé la porte. L'enfermement du fou est d'abord un enfermement intérieur qui se conjugue ici, paradoxalement, à travers les injures, avec un débordement extérieur. Donc le presque fou, Tallard, le faux fou, Pontchartrain, le vrai fou, Maulevrier, illustrent tous une incapacité à régler son propre langage, à résister à une passion qui prend le contrôle de ce qui est dit, que l'on retrouve, on l'a vu un petit peu ce matin chez la Duchesse d'Orléans, mais aussi chez deux personnages très importants des mémoires, déclinés cette fois en des scènes et non en des récits, Madame du Maine et le Duc de Villeroy. Bien qu'elle ne soit pas réellement folle, il ne fait aucun doute dans les mémoires que Saint-Simon considère comme telle l'extravagante Duchesse du Maine. À plusieurs reprises, elle se signale par un discours emballé, incoercible et déraisonnable. Je cite un moment où Saint-Simon laisse, dit-il, « Monsieur du Maine en proie à ses perfidies et Madame du Maine à ses folies, tantôt immobile de douleur, tantôt hurlante de rage, et son pauvre mari pleurant journellement comme un veau, des reproches sanglants et des injures étranges qu'il avait sans cesse à essuyer de ses emportements contre lui. » Donc c'est un langage qui est manifestement efficace en son genre, en ce qu'il écrase autrui, il confond, on vient d'en parler, l'interlocuteur ne peut plus s'exprimer du tout. C'est aussi un langage non maîtrisé, en tout cas non conforme aux codes sociaux. Une heure d'injures torrentielles, Madame du Maine se comporte exactement comme Maulevrier. Le dérapage verbal le plus marquant de la Duchesse du Maine dans les mémoires conserve ses caractéristiques de débordement non contrôlé. On va y trouver la métaphore du feu dont Marc Hersan a parlé ce matin à propos de Villeroy, celle aussi du torrent et de la marée. Les trois mots se retrouvent pour les deux personnages. Comme métaphore d'une violence élémentaire que l'individu ne maîtrise pas. Il s'y ajoute une nouvelle dimension, celle que la passion de Madame du Maine le fait que Madame du Maine exprime de manière incontrôlée une vérité profonde. Alors, il s'agit d'un moment où elle perd le contrôle d'elle-même face au duc de La Force et au duc d'Aumont. La Duchesse du Maine, se trouvant à bout, céda enfin à sa colère. On a vu avant dans la scène qu'elle essaye de se maîtriser, et puis elle n'y arrive pas. Elle dit à ces messieurs qu'elle voulait bien leur dire. Saint-Simon ouvre la parenthèse. Et ceci est étrangement remarquable, d'autant plus qu'elle n'a rien oublié, ni Monsieur du Maine, pour le bien effecter depuis, comme on le verra en son lieu. Fermez la parenthèse. Qu'elle voulait bien leur dire, pour qu'ils n'en puissent douter que quand on avait une fois acquis l'habileté de succéder à la couronne, il fallait, plutôt que de se la laisser arracher, mettre le feu au milieu et aux quatre coins du royaume. L'aveu est si énorme que Saint-Simon recule, insiste par cette parenthèse et par la répétition, elle voulait bien leur dire, mimant du même coup une sorte de solennité et d'hésitation de la duchesse à proférer ces paroles fatales. Madame du Maine énonce, malgré elle, la vérité sur sa propre vie, ou en tout cas ce que Saint-Simon considère comme vraiment la vérité sur cette vie. Il reviendra plusieurs fois sur cette scène, hein, qui pour lui est véritablement symbolique. Une vérité donc de quelqu'un qui veut mettre le feu au royaume plutôt que de ne pas avoir le pouvoir, qui est une vérité d'ordre politique, mais davantage, au confluent du corps et de l'âme, où la duchesse est perçue comme vraiment une force tendue vers la réalisation impossible de son ambition. Elle est débordée par un langage qui fait d'elle une folle au sens des attendus de la conversation et une folle au sens moral et religieux, une impie, une incarnation du mal. Et on pourrait appliquer à cet épisode hein, les analyses effectuées par Marc Hersan à propos de l'éclat du duc de Villeroy face au cardinal Dubois dont il nous a parlé ce matin et qui lie l'absence de contrôle de l'individu sur son propre langage à la profération d'une vérité intime de l'être. Force est de constater que la folie, et c'est bien là que se loge son emprise sur l'homme, n'a pas de langage spécifique qui ferait immédiatement repérer le fou. Il y a des langages déréglés, fous par leur incomplétude ou par leur violence, mais plus d'un homme de bon sens semble susceptible par moment de ce type de profération, comme par crise. À moins qu'il ne faille considérer à l'inverse que sommeille en tout homme une part de folie, ce qui s'accorderait très bien avec la vision du monde de Saint-Simon, où l'homme demeure fondamentalement une créature faible, notamment parce qu'elle est tourmentée par ses passions. Le dernier point qui pourrait contribuer à trancher entre les fous pathologiques et les fous épisodiques est aussi celui qui vient le premier à l'esprit quand on parle de folie. La construction par le fou d'un univers inexistant qu'il prend comme univers de référence. Alors personne ne se prend pour Jules César ou pour Louis XII, ni même pour Louis XIV dans les mémoires, mais quelques aliénés évoluent dans une réalité illusoire, d'autres ont des visions. Leur langage apparaît comme un espace où leurs auditeurs, mais parfois aussi eux-mêmes, se perdent. L'imagination se substitue, à un moment donné, à la raison. De sorte que la vision du monde et le discours du fou ou de l'excentrique se situent comme à côté de la vérité. L'exemple le plus parlant est celui du repas de mort, raconté, malgré le thème, mort avec un S, sous un angle résolument comique et authentifié par Finot, le médecin du prince de Condé, dont nous avons déjà parlé. Donc c'est le même prince qui, non content d'aboyer, se refuse dans sa dernière année de vie à manger quoi que ce soit, arguant, je cite, qu'il était mort, et pour toute raison que les morts ne mangeaient point. S'il fallait-il pourtant qu'il prît quelque nourriture ou qu'il mourût véritablement. Jamais on ne put lui persuader qu'il vivait et que par conséquent il fallait qu'il mangeât. Enfin Finot et un autre médecin, qui le voyait le plus ordinairement avec lui, s'avisèrent de convenir qu'il était mort, mais de lui soutenir qu'il y avait des morts qui mangeaient. Ils s'offrirent de lui en produire et en effet, ils lui amenèrent quelques gens sûrs et bien recordés, c'est-à-dire qu'ils avaient bien appris leur leçon, qu'ils ne connaissaient point, et qui firent les morts tout comme lui, mais qui mangeaient. Cette adresse le détermina, mais il ne voulait manger qu'avec eux et Finot. Moyennant cela, il mangea très bien, et cette fantaisie dura assez longtemps, dont l'assiduité désespérait Finot, qui toutefois mourait de rire en nous racontant ce qui se passait et les propos de l'autre monde qui se tenaient à ses repas. L'expression « l'autre monde » renvoie ici, bien sûr, en premier lieu au monde des morts, à l'au-delà. Mais dans ce contexte de folie patentée, elle permet d'éclairer aussi la différence entre le fou et les saints d'esprit. Condé vit dans un autre monde, un monde parallèle, et le médecin ne peut le faire manger que pour avoir compris, ou en l'occurrence inventé, les règles de cet autre monde. On remarque que le fou produit ici un discours très cohérent, sans aucune violence, sans passion. Il raisonne, mais dans le cadre exclusif de sa supposée mort. Le raisonnement qu'on lui oppose n'a sur lui aucun effet, tant qu'on ne prend pas en compte la prémisse de sa mort, mais fonctionne dès lors que Finot le fait. Le langage du fou est donc ici non pas tant un langage différent qu'un langage parallèle à celui des autres hommes. Et on trouverait un mécanisme semblable, par exemple, dans l'histoire de Lavaugüillon, un courtisan qui se présente à la Bastille et qui dit « Ouvrez-moi, le roi veut m'embastiller » et qui insiste, et son langage, son discours est très cohérent. Il faut qu'on envoie au roi qui dit « Non, j'ai jamais donné l'ordre. Bon. » Le fou est donc un menteur de bonne foi, c'est-à-dire autre chose qu'un menteur, peut-être un auteur. Maulévrier, l'amant ambitieux, finit lui aussi par vivre dans un monde issu de son imagination, qui a remplacé pour lui la réalité. La manière dont Saint-Simon dépeint la cause de sa folie souligne un éclatement de l'être, sous la pression de plusieurs passions, toutes portées à leur paroxysme. Là, déchiré de mille sortes de rages d'amour qui étaient venues à force de le faire, de jalousie, d'ambition, sa tête se troubla, au point qu'il fallut appeler les médecins et ne le laisser voir qu'aux personnes indispensables et encore aux heures où il était le moins mal. 100 visions lui passaient par la tête. Saint-Simon va les énumérer, pour ne pas trop perdre de temps, je ne le fais pas, mais ces visions sont cohérentes. Il y a un discours où il rêve d'aller en Espagne et d'être, c'est très rapide, hein, c'est moi qui glose un petit peu, mais d'avoir le pouvoir en Espagne, d'autres des remords par rapport à sa trahison du duc de Bourgogne, un autre discours enfin où il désespère du salut éternel et il faut qu'il discute avec un confesseur pour le remettre. Ces alliances de la logique et de l'aberration ne peuvent manquer de faire penser à un personnage des mémoires qui, loin d'être fou, est aussi l'un des plus raisonnables et des plus attachants, mais dont un pan de vie relève d'une sorte de folie douce. On en a parlé déjà ce matin, c'est le duc de Chevreuse, dont Philippe Pourcade a cité une partie du portrait que je reprends rapidement. Donc c'est des inductions, hein, une abondance de vues, des raisonnements détournés. Il les mettait si nettement en jour et en force avec tant d'adresse qu'on était perdu si on l'arrêtait dès le commencement. Donc on était perdu. L'expression peut s'entendre de deux manières. L'interlocuteur, ce « on » indéfini, qui renvoie manifestement, entre autres, à Saint-Simon, ne sait plus où il en est. Emporté dans un discours décrit comme une sorte de voyage où le destinataire est passif et subit la force du raisonnement. Encore quelqu'un qui est confondu, qui n'arrive plus à parler. En un second sens, il a perdu la lutte et il se trouve dans la position de celui qui ne peut que se taire. Alors il est abusif ici de parler de folie. Mais le langage est à tout le moins déréglé parce qu'il a perdu tout rapport avec la réalité. Chevreuse était malade de raisonnement et Saint-Simon revient plusieurs fois sur ce raisonnement qui est juste et qui est en même temps complètement faux, complètement à côté de la vérité dont lui est la pierre de touche. Il y aurait beaucoup à dire sur Chevreuse parce qu'il est aussi quand même un peu en miroir avec Saint-Simon qui a beaucoup de points communs avec lui, mais qui ne se remet jamais lui-même en question. En tout cas, derrière ces mondes parallèles que chaque fou porte avec lui, se cache un discours fondateur ou une vision fondatrice, un sens qui n'est pas le même que celui qui prévaut parmi le reste du monde, mais qui a sa logique. Dans tous les cas que nous avons vus, la communication avec autrui est impossible. Le fou parle ou s'exprime d'une manière ou d'une autre sans pouvoir se faire comprendre ou sans attendre de réponse, en agressant autrui ou encore en rendant toute réponse impossible. Il est presque toujours, je reprends une jolie expression de Saint-Simon à propos de Maulévrier, victime de soi-même, d'un enfermement dans un monde individuel qui, selon les degrés, relève de la folie furieuse ou de la folie douce. Nombre de ces individus sont enfermés dans un discours autarcique, discours de puissance, discours amoureux, discours guerrier, dont l'impossibilité ou la difficulté à sortir fait la folie. J'ai bien conscience d'avoir élargi à l'excès la catégorie des fous. Cependant, la ligne de partage est ténue entre les fous pathologiques et les fous occasionnels, si l'on s'en tient aux aberrations du discours qui manifestent la folie. Seule l'impossibilité radicale à communiquer semble relever d'une vraie pathologie. Mais Madame d'Alègre fournit un exemple à mi-chemin entre raison et folie. En outre, la passion qui déborde et aliène réellement le sujet n'est pas l'apanage, on l'a vu, des insensés. Elle semble guetter l'homme qui ne se maîtrise pas et manifester une folie potentielle sous-jacente. Maulévrier, à qui la passion vient en la feignant, est l'exemple effrayant de la puissance de l'imagination qui dérègle la raison. Le fait d'habiter un monde autre, ou même l'autre monde, en vertu d'un système nécessairement en partie discursif très cohérent, mais coupé du monde des autres, n'est-il pas encore plus commun, surtout dans un monde dominé par des rêves d'ambition ? Je vous remercie.